Si ou te sav kouman yè mwen te ye Avan nou kontre Si ou te sav koumyan fwa mwen plere Pas chè mwen te gare Mwen te kache chè an om ideal Mwen tombe a sou yon de bien banal Mwen te kache chè an bel prince charmant Y te la pou an tan An bojou mwen fini pa kwa zè ou Mwen tombe an fonzie ou Mwen pa kwe ke mwen ke sa rileve Si la mwen le rete ou